De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est Karine Gravel qui vous parle. On va maintenant discuter d'un sujet qui touche plusieurs femmes, soit la problématique des infections urinaires. Donc, quelle femme n'a jamais entendu dire qu'un verre de jus de canneberge permet de soulager les symptômes d'infection urinaire? Mais est-ce que des études cliniques permettent vraiment de le confirmer? Donc, Vicky Leblanc, docteur en nutrition et coordonnatrice d'un projet de recherche sur la canneberge et la prévention des infections urinaires à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels à l'Université Laval, est ici avec nous aujourd'hui pour aborder ce sujet et nous parler de son projet qui est présentement en cours. Bonjour Vicky. Bonjour Karine. Donc, dans un premier temps, d'où vient cet intérêt pour la problématique des infections urinaires chez les femmes? Tout d'abord, on doit comprendre que l'infection urinaire, qui en fait est une infection bactérienne, est l'une des principales raisons de consultation médicale dont les complications entraînent annuellement plus de 1 million d'hospitalisations aux États-Unis. Les infections urinaires à répétition sont environ 50 fois plus fréquentes chez les femmes adultes que chez les hommes, et c'est une femme sur trois de plus de 18 ans qui aura une infection urinaire au cours de sa vie. Et plusieurs d'entre elles auront des infections répétées. Et comment on définit exactement, de façon plus précise, des infections urinaires répétées? Selon plusieurs études effectuées dans ce domaine de la recherche, on parle d'infections urinaires à répétition lorsqu'une femme rapporte plus de 2 infections pendant une période de 6 mois ou plus de 3 dans une année. Les infections urinaires ont un impact majeur, là, bien entendu, sur la qualité de vie des femmes qui en souffrent. Et de quelle façon est diagnostiquée une infection urinaire? Généralement, les symptômes d'une infection urinaire sont assez incommodants et se décrivent généralement par des douleurs ou brûlements lors de la miction et ou par une envie d'uriner fréquente. Les femmes vont alors consulter soit à l'urgence ou à une clinique sans rendez-vous pour obtenir une prescription d'antibiotiques. Et chez les femmes qui présentent plusieurs infections urinaires sur une courte période de temps, le médecin peut procéder à des examens plus poussés impliquant une culture d'urine pour permettre d'identifier la bactérie en cause et mieux cibler le traitement antibiotique. Par contre, les effets secondaires associés à ces traitements sont rapportés chez environ 10 % des personnes et se manifestent notamment par de la nausée, des ballonnements, de la diarrhée, des vaginites à levure. C'est important de mentionner qu'actuellement, la seule façon de traiter les infections urinaires est en prescrivant un antibiotique. Et actuellement, quelles sont les principales stratégies mises de l'avant afin de prévenir les infections urinaires? Actuellement, l'antibiothérapie en prévention est la seule stratégie pour les femmes qui souffrent d'infections urinaires à répétition. Les femmes peuvent aussi prendre une faible dose d'antibiotiques à chaque jour ou chaque fois qu'elles ressentent des symptômes. Il y a également l'option de prendre des antibiotiques lors de chaque relation sexuelle. Même si ces moyens constituent présentement les meilleures options disponibles pour ces femmes, la prise d'antibiotiques sur une base régulière et à long terme augmente quand même le risque que les bactéries qui causent des infections deviennent résistantes aux antibiotiques prescrits, une situation dangereuse et qui semble de plus en plus fréquente. Oui, avec cette fréquence élevée, ça démontre bien la pertinence de réaliser des travaux de recherche sur le sujet. Oui, on voit aujourd'hui et on verra dans les prochaines années de plus en plus d'infections bactériennes et notamment d'infections urinaires qui ne répondent à aucun traitement antibiotique. Les résistances toujours croissantes aux antibiotiques sont devenues un problème majeur de santé publique et l'Organisation mondiale de la santé multiplie les stratégies d'action et favorise fortement l'innovation, la recherche et le développement. Par exemple, pour les 2 antibiotiques les plus prescrits pour traiter une infection urinaire, soit le Bactrin et le Cipro, les taux de résistance là, dans l'Est du Canada sont de plus de 21 et 15 % respectivement. Et malheureusement, ce taux de résistance risque de continuer à croître. L'augmentation de la résistance des bactéries aux antibiotiques prescrits en traitement ou en prévention, ainsi que les effets secondaires de ces derniers, renforcent l'urgence de développer des alternatives non médicamenteuses qui sont efficaces et bien tolérées. Actuellement, les produits dérivés de la canneberge sont les plus prometteurs dans la prévention des infections urinaires. La canneberge possède des propriétés antioxydantes très intéressantes de par son contenu en composés flavonoïdes. notamment les proanthocyanidines, qu'on appelle aussi les PAC, oui. Et des données récentes indiquent que les PAC peuvent inhiber l'adhésion des bactéries à la paroi de la vessie pour ainsi prévenir l'infection urinaire. Et est-ce que, sous quelle forme on devrait consommer la canneberge? Est-ce que c'est vrai le jus de canneberge ou c'est un mythe? Je dirais que les deux formes les plus intéressantes en termes de quantité de PAC sont le jus et les capsules de canneberge. Mm-hmm. Cependant, bien que le jus de canneberge contienne des PAC, il est rarement consommé à l'état pur là, en raison de son goût assez acidulé et astringent. Sur les tablettes, on retrouve surtout des jus de canneberge avec sucre ajouté ou mélangé à d'autres jus de fruits. De plus, la quantité de jus consommé est généralement insuffisante pour permettre d'assimiler une quantité optimale là, de PAC. Pour leur part, les extraits de canneberge retrouvés sous forme de capsules peuvent contenir des concentrations plus élevées en PAC et s'avèrent donc plus intéressants là, dans le contexte de prévention des infections urinaires. Et plus réaliste peut-être. Oui. Puis actuellement, est-ce que les antibiotiques prescrits par les médecins pourraient être substitués par des capsules de canneberge? Non, car bien que plusieurs extraits de canneberge sont autorisés par Santé Canada et disponibles en vente libre, les concentrations en ingrédients actifs de ces extraits sont très faibles et très vraisemblablement insuffisantes pour avoir un effet protecteur sur les infections urinaires. Il faut comprendre donc toute l'importance de réaliser une étude clinique de qualité visant à évaluer l'effet d'un extrait de canneberge à des doses qui sont suffisantes et standardisées sur l'incidence des infections urinaires, mais aussi de sensibiliser la population à cette problématique là, dont les répercussions actuelles et futures sont plutôt inquiétantes. Oui. Et en quoi consiste plus exactement votre projet de recherche? Nous recrutons présentement des femmes âgées de 18 ans et plus pour le projet de recherche qui vise à évaluer l'efficacité d'une dose optimale d'extrait de canneberge comparativement à un extrait contrôle sur le nombre moyen de nouvelles infections urinaires là, sur une période de 6 mois. Donc, nous recherchons bien entendu des femmes qui ont des antécédents d'infections urinaires à répétition. Les participantes sont rencontrées à l'unité d'investigation clinique de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels à 3 reprises pendant les 6 mois de suivi pour de courtes visites. Puis, il est à noter qu'un avantage important de participer à notre projet de recherche est la prise en charge très rapide par une gynécologue d'expérience, Dr. Sylvie Dodin, en cas de symptômes d'infection urinaire pendant la période de l'étude. Oui. Et pour en savoir davantage sur les détails de l'étude et peut-être y participer si on est éligible, comment on peut vous contacter? Concernant le projet PACCAN, donc on l'appelle PACCANN, bien important, je vous invite à nous contacter à l'Université Laval, donc au 418-656-2131, le poste 2336, ou encore à vous rendre sur notre page Facebook qui porte le nom PACCAN. PACCANN. Exactement. Ou encore sur le site de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, donc l'INAF, dans la section Projet clinique en cours. Oui, puis on pourra également ajouter les coordonnées du projet sur la page Facebook de Futur Simple. Merci beaucoup, Vicky Leblanc, d'être venue nous parler de ce projet de recherche et espérons que les extraits de canneberge en capsule réduiront l'incidence de ces infections chez les femmes. Merci beaucoup, Karine. Nous allons maintenant faire une pause publicitaire, après quoi nous recevrons Marie-Claude Dionne qui nous parlera de la colonisation de l'Amérique à la préhistoire.